verra donner à Marie. On prend les régions, mesdames, on se coin les régions du Yir. Le séménage coup d'Aveli, on prend les régions du Yir. À manier de ma véridie, branle les régions, se coin les régions. On prend les régions, mesdames, on se coin les régions du Yir. À manier de ma véridie, on branle les régions du Yir. Prends une aiguille, le jeune Pichy, prends la vérité, c'est quoi la vérité? On prend la vérité, mesdames, on se quoi la vérité du hier. Prends une aiguille, le jeune Pichy, on prend la vérité du hier. Prends sa culotte et il sauvit, prends la vérité, c'est quoi la vérité? On prend la vérité, mesdames, on se quoi la vérité du hier. Prends sa culotte et il sauvit, on prend la vérité du hier. Prends mon cotillon, je galopie, prends la vérité, c'est quoi la vérité? On prend la région, mesdames, on se croit les régions du Yir. Prends mon cotillon, je galopie, on prend la région du Yir. Dans le potamobie, je le rattrapis, prends la région, c'est quoi les régions? On prend la région, mesdames, on se croit les régions du Yir. Dans le potamobie, je le rattrapis, on prend la région du Yir. Prends mon quartier et je le ramenis, prends la région, c'est quoi les régions? On prend la région, mesdames, on se croit les régions du Yir. Prends mon diartine et je le ramenis, on prend dans les rideaux du hier, au puits de mon yi, je l'attachis, prends dans les rideaux, c'est quoi les rideaux? On prend dans les rideaux, mesdames, on se coin les rideaux du hier, au puits de mon yi, je l'attachis, on prend dans les rideaux du hier, j'ai du diabète et à magie, prends dans les rideaux, c'est quoi les rideaux? On prend dans les rideaux, mesdames, on se coin les rideaux du hier. J'ai du diabète et à magie, on prend la vérité du lit, du pont du mur et du persil. Voilà les rideaux, c'est quoi les rideaux? On prend la vérité, mesdames, on se coin les rideaux du lit, du pont du mur et du persil, on prend la vérité du lit. Puis à sa veuve d'Arcondizie, voilà les rideaux, c'est quoi les rideaux? On prend la région, mesdames, on se coin les rideaux du lit. Puis à sa veuve d'Arcondizie, on prend la vérité du lit. Je vous ramène votre abruti. Prends la région, c'est quoi la région? On prend dans les régions, mesdames, on se croit les régions du Yir.